De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Le 14 novembre dernier, c'était la journée internationale du diabète. On n'a pas pu en parler cette journée-là, mais on se reprend aujourd'hui, vu que tout le mois de novembre est consacré à la sensibilisation de cette maladie. Alors, notre animatrice Nathalie Quinard nous a donc préparé une chronique pour démystifier le diabète à titre de journaliste scientifique, mais surtout à titre de maman d'un petit garçon diabétique. Bonjour Nathalie. Bonjour François. Alors Nathalie, on parle toujours du diabète, mais je crois savoir qu'il y a plusieurs types de diabète, n'est-ce pas? Effectivement, et je pense que c'est important François de bien comprendre ça. Alors selon les sources qu'on consulte, on parle de 3 à 5 types de diabète. OK. On entend souvent parler du diabète de type 2. C'est pas étonnant parce que 90% des diabétiques sont de type 2. OK. Cette maladie se manifeste généralement à l'âge adulte et elle est due à l'hérédité, mais surtout au mode de vie. Donc, quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique, qui a une mauvaise alimentation, un surplus de poids, a beaucoup de chances de développer cette maladie. Oui, c'est ça. 9% des diabétiques sont touchés par le type 1, dont on ne parle pas assez, malheureusement, dans les médias, entre autres. Donc, 10 fois moins que de type 2, ça. Oui. Uh-huh. Donc, cette forme apparaît surtout dans l'enfance et l'adolescence. On ne connaît pas vraiment encore les causes du type 1. On pense qu'il y a une prédisposition génétique qui pourrait être déclenchée soit par un virus, ça c'est une thèse qui court en ce moment, ou le stress. On pense aussi que le fait de vivre dans un environnement trop hygiénique, et là je parle de tout le monde, de notre société, où on tente de tuer tous les microbes, ben, ça peut favoriser peut-être l'apparition de cette maladie. Une chose est certaine, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que le type 1 n'a aucun lien avec le mode de vie de la personne. Alors, bien qu'on entende parler de diabète dans les médias, je pense que peu de gens savent vraiment de quoi il est question. C'est bien vrai. Moi-même, avant que mon fils soit diagnostiqué diabétique de type 1, j'avais déjà entendu parler du diabète, mais je ne savais pas exactement ce que c'était et surtout ce que ça impliquait. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète, c'est lié au pancréas. Chez les diabétiques de type 2, il se passe plusieurs choses. Le pancréas peut devenir paresseux, donc il ne produit plus assez d'insuline. C'est cette hormone qui a comme rôle de contrôler notre taux de sucre dans le sang. Chez d'autres diabétiques de type 2, ils vont avoir une production d'insuline, mais leur organisme est devenu résistant. Et donc, l'hormone ne peut pas accomplir son rôle. Elle est plus efficace, là, c'est ça. Et d'autres types 2, ben, ils ont les deux. Ils sont résistants à l'insuline et n'en produisent pas beaucoup. Ce qui est triste, et pourquoi on parle beaucoup de diabétiques de type 2, c'est que de plus en plus d'enfants développent cette forme de diabète à cause des problèmes de surpoids et du manque d'activité physique chez les jeunes. Chez les diabétiques de type 1, c'est différent. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est l'organisme d'une personne qui s'attaque à ses propres cellules. Par exemple, chez mon fils, son système immunitaire s'est attaqué aux cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Alors, quand on lui a diagnostiqué son diabète, ben il lui restait environ 10 % de ses cellules productrices d'insuline. Oh là là, c'est pas beaucoup, hein? Et ça prend pas beaucoup de temps, quelques semaines, quelques mois, et puis il n'en reste plus du tout. Alors, comme son organisme ne produit plus d'insuline, ben il n'a aucun moyen de contrôler le taux de sucre dans son sang. Alors, je comprends donc que même si, dans les deux cas, il s'agit de diabète, le type 1 et le type 2 ne sont pas tout à fait la même maladie, en fait, pas du tout même. C'est bien ça. Et pourtant, quand on regarde les articles dans les médias, on met souvent tous les diabétiques dans le même panier. Et pour les diabétiques de type 1 et pour les gens qui les entourent, c'est plutôt enrageant. Parce que les types 1, ils vivent beaucoup de préjugés, d'incompréhension surtout. Par exemple, quand j'explique aux gens que mon fils est diabétique de type 1, et je le précise toujours, je me fais souvent poser les questions... « Ah, ben c'est parce qu'il a mangé trop de sucre quand il était bébé. » Ben oui. Hein. Ben, ou encore, « Bon, c'est pas grave, là, sa maladie est temporaire, il va guérir. » Puis j'entends aussi des trucs comme, « Ben, il a juste à prendre des pilules ou mieux manger, puis il va être correct. » Ben non, ces questions-là se rapportent plus au diabète de type 2 et pas au type 1. Le type 2 peut devenir moins sévère et même se guérir s'il est pris à temps et que la personne change drastiquement ses habitudes de vie, par exemple en perdant du poids. Et le type 2 se contrôle généralement bien avec des pilules et dans les cas plus avancés avec des injections d'insuline. Et, intéressant à noter, le type 2 peut se prévenir si on a des saines habitudes de vie. Mais pas le type 1. C'est bien important de comprendre, le type 1 ne se prévient pas et ne se guérit pas. Du moins, on n'a pas encore trouvé de moyen pour le faire. Il y a l'Agence de la santé publique du Canada qui illustre bien la réalité d'un diabétique de type 1. Ce qu'ils disent, c'est qu'un diabétique de type 1, c'est 1460 aiguilles d'injection quotidienne et 2190 prises de glycémie par an. Tout un bilan, hein? C'est beaucoup. Et pour survivre, ben, un diabétique de type 1 est obligé de s'injecter de l'insuline synthétique avant tous ses repas. Ben alors justement, parlons-en, Nathalie. Explique-nous l'importance de cette insuline synthétique. Oui, ben le pancréas des diabétiques de type 1 ne produit plus d'insuline. Donc, leur organisme ne peut plus envoyer le sucre dans les cellules. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre sert d'énergie, ou on peut dire aussi de carburant, aux cellules du corps pour qu'elles puissent faire leur travail. Par exemple, on peut penser que le sucre permet aux muscles de se contracter, et à notre cerveau de penser aussi. Tout à fait. Il se passe donc deux choses chez les diabétiques de type 1 et aussi les diabétiques de type 2 qui sont avancés. Lorsqu'ils mangent, le sucre s'accumule dans le sang parce qu'il n'y a pas d'insuline pour le faire voyager vers les différentes cellules. À ce moment-là, on dit que le diabétique est en hyperglycémie. Si son hyperglycémie est importante, il va développer des déchets toxiques dans le sang qui peuvent le mener jusqu'au coma. Le seul moyen d'éviter ça, c'est de s'injecter de l'insuline synthétique, soit avec une pompe à insuline ou un stylo injecteur, et ce, avant chaque repas, et même une fois avant de se coucher. Quatre fois par jour. Oui, quatre fois par jour. Est-ce qu'un diabétique peut sauter un repas ou... C'est pas conseillé. Idéalement, non, parce que s'il saute un repas, c'est l'effet inverse. Il débalance tout. Donc, l'horaire des repas est très important. D'accord. Et l'autre chose, c'est qu'un diabétique, ça bouge. Ah, ben surtout oui. Un enfant, ça bouge beaucoup. Donc, si justement, il saute un repas, ben le il n'y a pas de sucre dans son organisme. Donc, ce qui arrive, il baisse, sa glycémie baisse. Ben oui. Alors, soit il bouge beaucoup, soit il n'a pas mangé assez, ou encore il s'est trop injecté d'insuline, ce qui peut arriver dans les calculs, bien, la glycémie chute drastiquement et, encore là, peut tomber dans le coma. Ouais, je trouve que c'est quand même assez complexe comme gestion de tout ça, là. Ah, tu sais pas à quel point... je prends l'exemple de mon garçon. Toutes ses journées débutent avec une prise de glycémie. Le matin, il se lève, il pique son petit doigt avec un appareil qu'on appelle le glucomètre qui analyse le taux de sucre dans son sang. Puis selon sa glycémie, puis sa faim, le nombre de glucides donc qu'il va avoir dans son déjeuner, je détermine la quantité d'insuline qu'il doit s'injecter. Alors tous les jours, on répète ce scénario avant chacun des repas et avant de se coucher. Évidemment, pour lui, le plus dur quand il a été diagnostiqué, ça a été de s'habituer à ses injections, puis à un horaire régulier de repas et de collation. Il n'aimait pas les piqûres, donc évidemment, ça a été un choc pour lui. Pour moi, le plus dur, il y a eu le fait de devoir piquer. Je n'avais jamais piqué quelqu'un de ma vie. Mais aussi le fameux calcul des glucides que j'ai dû apprendre. Moi, je ne regardais pas ça dans ce que je mangeais. Je regardais plutôt les calories, pas les glucides. C'est ça. Mais là, avant de servir un repas à mon fils, je dois savoir exactement le nombre de glucides qu'il va ingérer afin d'ajuster sa dose d'insuline. Est-ce que cette information-là aussi est disponible? Oui, on peut retrouver les glucides sur les étiquettes des produits alimentaires ou encore, on a des outils sur Internet. Il y a des applications, il y a des sites... mais des fois, il y a des aliments que c'est très, très difficile. Par exemple, l'Halloween, quand ils reçoivent des bonbons qui ont été achetés on ne sait où, qui ne sont pas des bonbons connus, des fois, je fais des recherches puis je ne trouve rien. On les tasse. donc, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que le diabète, surtout, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut vraiment le contrôler, avoir des saines habitudes de vie. Sinon, le diabétique, qu'il soit de type 1 ou type 2, va développer toutes sortes de complications. On pense, par exemple, des problèmes précoces de vision. Ils ont un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires. Leurs reins peuvent défaillir de façon précoce. Ils peuvent avoir des douleurs qui sont engendrées par l'atteinte de leurs nerfs. Par exemple, une statistique, le diabète, triple le risque de mourir d'une maladie du cœur. C'est quand même pas rien. Oui, effectivement. Mais Nathalie, comment fait-on pour savoir qu'on a le diabète? Oui, c'est pas toujours évident. Dans le cas du type 2, c'est souvent le médecin qui va faire une glycémie à son patient, puis peut-être une prise de sang. Pour un patient qui présente des facteurs de risque, comme plus on avance en âge, l'obésité, l'hypertension, mode de vie, comme on a dit tantôt. Est-ce que la personne ressent quelque chose de particulier aussi? Ou peut-être, peut-être pas. Un type 2 peut avoir des symptômes, comme il peut ne pas avoir de symptômes pendant des années. C'est pour ça que... Oui, il y a plusieurs diabétiques. L'idéal, c'est le médecin. Oui, parce qu'il y a plusieurs diabétiques de type 2 qui vont rester... Ignorants de leur... De leur condition, parce qu'ils n'ont pas de symptômes apparents. D'autres, vont en ressentir certains, puis vont aller voir leur médecin, puis là, ça va allumer une lumière, et puis ils vont faire les tests qui s'impose. Pour un type 1, ben on peut juste à peu près se fier sur les symptômes qui sont les mêmes pour les deux types de diabète. Donc, on parle d'une soif intense. Tout d'un coup, on se met à avoir vraiment soif tout le temps, des envies d'uriner fréquentes, une perte de poids inexpliquée, on devient irritable sans raison, notre vision s'embrouille facilement, on se met à avoir faim tout le temps. Ça, c'est quelques-uns des symptômes reliés au diabète. Ce qui est particulièrement important, c'est que les parents soient au courant et attentifs à ces symptômes chez les enfants, là, surtout entre, je dirais, 5 et 12 ans, l'âge à laquelle se déclare souvent le diabète de type 1. Parce qu'un enfant ne va pas nécessairement se plaindre de ça. Ben oui. Ils ne diront pas, ben j'ai perdu du poids, là. Ils ne trouveront pas ça anormal. Ben non, oui, pas du tout. Donc, si un parent est au courant des symptômes, ben, il pourra au moins faire vérifier le tout. Puis, un diabétique de type 1 doit être diagnostiqué rapidement parce que son état peut se dégénérer aussi très rapidement. Alors qu'un type 2, ben, ça prend un peu plus longtemps à devenir sérieux. Et comment as-tu fait, toi, pour suspecter le diabète chez ton garçon? Oui, ça, c'est toute une histoire. Ça s'est passé il y a 2 ans parce que ça fait légèrement plus que 2 ans maintenant qu'il est diabétique. Donc, c'est arrivé à l'âge de 6 ans. Oui, pour il lui, avait 6 ans. Donc, il commençait sa première année, puis tout d'un coup, j'ai remarqué, bon, il allait souvent aux toilettes, alors que c'est un petit garçon, qu'il allait une fois, deux fois par jour, c'était son maximum, là. Okay. Il s'est mis, effectivement, à boire beaucoup, à demander à boire souvent. Il a commencé à se lever la nuit, même, pour aller uriner, ce qu'il faisait pas avant. Au départ, c'était une à deux fois la nuit, puis tout d'un coup, ça a grimpé à 3-4 fois, puis toujours avec des grosses envies, là. Ouais. Puis ça, c'est pas une question de prostate, là, à cet âge-là, là? Non, mais normalement, non. Puis bon, après ça, il a commencé à avoir faim tout le temps. Puis ça, c'était vraiment pas dans ses habitudes. C'était un petit garçon qui a mangé, ben c'est parce que je l'obligeais à manger, là, parce qu'il s'en serait passé. Puis bon, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des périodes qui semblaient avoir vraiment pas beaucoup d'énergie, puis ça alternait avec des périodes où il était très, très, très à pic. Au début, je me suis dit, bon, c'est le stress. La première année, nouvelle école, nouveaux amis, c'est possible. Oui. Pourquoi s'inquiéter, là? Mais c'est quand il a commencé à se lever 4 fois par nuit pour uriner qu'avec son père, qui est infirmier, ben c'est surtout, en fait, c'est lui qui a allumé, qui a dit, oups, ça ressemble pas mal à des symptômes de diabète. Là, évidemment, on veut pas ça. Hein, ouais. Donc, première chose qu'on va voir, c'est sur Internet, ça correspond-tu? Puis oui, ça correspondait, mais moi, je voulais pas y croire. Je me disais, non, c'est d'autres, le stress, on va attendre un petit peu, tu sais. Mais là, bon, ça ne s'améliorait pas, donc on ne peut pas se cacher la tête dans le sable. Donc, si je comprends bien, si le père n'avait pas nécessairement vu ça, peut-être que toi, ça te serait passé inaperçu? Ben, moi, si j'avais été seule, maintenant, je serais probablement allée voir mon médecin. Parce que là, je trouvais ça vraiment anormal, le fait qu'il me demande d'aller aux toilettes. C'était rendu aux 20 minutes, là. Je me rappelle, on avait fait Gatineau-Québec. Aux 20 minutes, j'ai envie. Oui. Ça finit plus, c'est là. Pas normal, c'est pas normal. J'aurais peut-être pas pensé au diabète, mais je serais allée consulter. Okay. Fait que là, finalement, quand on a vu que ça s'améliorait pas, on est allé à la pharmacie. Puis à la pharmacie, ils nous ont fait un test de glycémie. Ah bon? Ils font ça à la pharmacie? Ben oui, j'ai appris ça moi aussi à on ce moment-là. On peut se présenter comme ça, là, oui, puis tout sans à fait. Prescription? Puis, tout oui, à fait, oui, c'est des services qu'ils offrent. On a payé quelques dollars, je ne me souviens pas exactement. Okay. Mais bon, c'était mieux d'aller là pour commencer qu'à l'urgence, ben oui. Sachant pas ce qu'il avait. Puis bon, là, ça a été la première crise parce qu'il fallait le piquer, puis ça non plus, il n'aimait pas ça. Ouais, ouais. Puis bon, sa glycémie était à 17, si je me souviens bien. Ce qui est élevé parce que d'habitude, une glycémie normale, c'est entre 4 et 7. Okay. Fait que la pharmacienne nous a regardé, qui a une drôle de face, et nous a dit, ben, si j'étais vous, j'irai à l'urgence tout de suite. OK. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ensuite à l'urgence? Ben, à l'urgence, ça va assez vite. Oui. Tu arrives avec un enfant, il avait 6 ans à l'époque, et tu dis, bon, on est à la pharmacie. T'attends pas 12 heures, là. Non, ben, surtout qu'on leur a dit, il y a une glycémie à 17. Oui. Fait qu'eux autres, ils connaissent ça. Ils savent ce que ça veut dire. On l'a tout de suite passé au triage. L'infirmier qui nous a reçu, il a repris la glycémie, il a fait une batterie de tests, puis il nous a dit, c'est pas mal ça. Il nous a fait passer de l'autre côté, là, dans les espèces de chambres d'urgence. Puis on n'est pas ressorti de là. On est resté là 5 jours. Mon fils a été hospitalisé, le temps de faire une batterie de tests. Ouais. Mais aussi le temps que l'équipe, parce qu'ils ont une bonne équipe là-bas, nous prenne en charge pour nous expliquer l'ABC du diabète. Comment injecter, comment calculer les glucides. Puis mon fils, lui, sa job, ça a été d'apprendre à cesser de piquer sans broncher, sans faire de crise, ce qui n'a pas été facile. Oui, c'est un fait. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants atteints de diabète de type 1? Bien, à l'échelle de la planète, selon les sources, on dit 4,9 millions d'enfants vivent avec le diabète de type 1. Au Canada, on parle de 45 000 enfants, c'est un enfant sur 300 environ. Oui, hein? Quand même. Puis, fait qu'on dit que c'est une maladie qui touche pas beaucoup de monde, mais c'est quand même un enfant sur 300. Il y a certaines statistiques qui semblent indiquer une augmentation de cas de diabète de type 1. D'ailleurs, fait vécu, dans l'école de mon fils, quand lui a été diagnostiqué, il y avait déjà une petite fille qui était diabétique depuis deux, trois ans à peu près. Bien, c'était la seule. Bien, en l'espace de 15 mois, sont passés de cette petite fille-là diabétique à 4 diabétiques. Donc, ouais, ça vient comme un peu prouver le fait que oui, il y aurait peut-être une augmentation. Oui, est-ce qu'on sait pourquoi? En fait, il y a plus de diabétiques de type 1 qu'avant. Est-ce que... C'est une question pertinente, en effet. Sans réponse, d'ailleurs, plusieurs personnes se la posent et la réponse, en fait, est assez complexe. Je pourrais même pas prendre le temps d'y répondre ici, maintenant, aujourd'hui. Il faudrait que je revienne avec une chronique sur ce sujet-là parce qu'il y a plusieurs volets pour répondre à ta question. Ben écoute, c'est un rendez-vous, Nathalie, et merci d'avoir démystifié en fait une partie de l'univers du diabète. Et j'en profiterai moi pour saluer ton fils. Oui, alors peut-être nous écoute. Peut-être. Son nom c'est Vincent. Vincent. Oui. Alors Vincent, on te souhaite la meilleure des chances pour l'avenir et puis. Espérons-le. En tout cas, il fait ça comme un champion. Bon, alors bravo. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, ça fait un plaisir.